Nuevamente, Exploración Indie con Automedusa. Everybody poor, just so you could be rich. Would you do it? If you could watch everybody work while you just lay on your back, would you do it? If you could take all the love without giving any back, would you do it? Exploración Indie con Automedusa. into the solar system. All the stars are fixed up in the sky. I just want to sparkle for a moment before I just fizzle out and die. I'm happy because I'm stupid, scared of spiders, scared of flying. If I wasn't so happy, I wouldn't be so scared of dying. So just be gentle with me. I'm not as young as I was, and I'll be gentle with you. I'm not as brave as I fall. Exploración indie con Automedusa. Stranger, danger, danger, stranger, when you gonna follow through? The mistake it'll make, or the rain cloud covers above your house. Just pass. We'll end. Nuevamente, Exploración Indie con Automedusa. Je te dirai que je t'aime, voilà. Je te dirai que je t'aime, voilà. Je te dirai que je t'aime n'importe quoi. Je veux te dire que quand tu m'aimes, je me sens presque exactement aussi heureux que le soleil quand il descend dans l'océan, comme un carré qui tournerait, comme une aline qui casserait, une araignée qui se console. Voilà. Je te dirai que je t'aime, voilà. Je te dirai que je t'aime, voilà. Je te dirai que je t'aime, voilà. Je te dirai que je t'aime n'importe quoi. Je te dirai que je t'aime, voilà. Je te dirai que je t'aime, voilà. Je te dirai que je t'aime, voilà. Je te dirai que je t'aime n'importe quoi. Je veux te dire que je t'aime, voilà. Je veux te dire que quand tu m'aimes, je me sens presque exactement aussi heureux que le soleil quand il descend dans l'océan, comme un carré qui tournerait, un cosmonaute qui s'envole, une araignée qui se console. Je veux te dire que je t'aime, voilà. Je veux te dire que je t'aime n'importe quoi. Oh, ma belle aventurière, au cœur si téméraire, je suis brisé, moulu sur les roches et pointu, des amitiés déçues, des amours sans issue, l'ange déchu. Oh ma belle naufragère, mon navire a coulé, veux-tu m'accompagner à l'entour de la terre pour un dernier baiser? Laisse-la. Laisse-la. J'ai passé hier, fut la plus belle de ma vie. Si je mange, je vais en enfer, et bientôt c'est le paradis. Oh ma belle aventurière, ma splendide guerrière, ton armure est de fer, je suis vaincu d'avance. Et aucune importance, je dépose à tes pieds fusil et bouclier. Oh ma cruelle geôlière, tu as du caractère, on ne peut en douter, ton âme est purifiée, mais moi je suis sincère.